from verse 1. John 3, verset 1. Amen. Amen. Religion is deadly. John 3:1. Amen. I'm not telling you to have religion. I'm telling you embrace Christ Jesus. En fait, la religion, elle est vraiment mortelle. Je ne vous dis pas d'avoir la religion. Je vous dis d'embrasser Jésus-Christ. Jesus Christ is real. Jésus-Christ est vraiment réel. Don't joke with him. Faut pas blaguer avec lui. Amen. He's really real. Il est vraiment réel. Amen. Amen. From verse 1, I will quickly read because of the time. He said, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. You know, he said Jesus was a teacher. I am a teacher. I teach. Not a natural teacher. You know, he told Peter, you will be a fishers of men and no longer a fishers of fish. That's why once you come to Christ, it changes everything. Amen. I'm a teacher teaching the word of Christ. En fait, I don't proclaim, I teach. Amen. So that, you know, teaching, we teach you, you understand. It's build you up, he equips you. You don't need to be running up and down. Amen. That you are a house guard does not mean you cannot raise the dead. Amen. Amen. Amen. You know, it's not... Okay, Charles. Okay. Donc, en fait, on va comprendre que Jésus-Christ, il a dit ici, verset 2, il a dit que maître, nous savons que vous êtes venus de la part de Dieu. Donc, on va voir que Jésus-Christ, il était un maître, tout comme moi aussi. Je suis comme un professeur maître, parce que ça va t'aider vraiment à comprendre des histoires, à comprendre, parce que ça va t'aider aussi à savoir que juste parce que tu es une personne qui n'a pas un bon poste ou bien qui nettoie la maison, ça ne te donne pas la puissance de ressusciter les morts, par exemple. Parce que c'est une chose surnaturelle. Je suis maître... Pas du naturel, mais du surnaturel, en fait. You know, I just talked about house. Let's go to, put something here. Put one of your fingers here, please. We have a lot of fingers. Put one here. Mark 16. On va lire Mark 16. And let us look at what Jesus said here. On va voir ce que Jésus a dit. Amen. Amen. From verse 15. Are you there, please? He said, John 3, verset 15. And he said unto them, go ye into the world and preach the gospel to every creature. He that believeth is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. The sign that follow you and not you follow sign. You don't pursue miracle. Miracle should pursue you. You are already a miracle. That the Spirit of God live inside you is greater, is something more than God. We know that song. Amen. Donc il dit que Marc 15, il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc ça signifie que nous on est comprendre Jésus-Christ, connaître Jésus-Christ, c'est quelque chose plus que du bien. Amen. In verse 77, and these signs shall follow them that believe. In my name, they shall cast out devils. That believe did not say pastors. You know something here. He did not say this sign shall follow pastors. He said this sign shall follow those that believe. Amen, amen. Donc il n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Il a dit voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom. Praise the Lord. Amen. They shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Amen. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Amen. He's not talking about pastors. It's not, this is not pastor. It's for all God's children. Amen. If you believe, you will live the life of Christ. Amen. He will live through you. Amen. En fait, ici, il dit aussi que, et voici ces miracles, il a dit que prendront les serpents et ils boivront des buvages mortels. Donc, ils ressusciteront des morts, ils chasseront des démons. Donc, disons, toutes ces histoires-là, ce ne sont pas seulement les pasteurs qui peuvent le faire. Ce sont chaque personne qui croit en Dieu. Please go back to John 3. On va lire Jean 3. Mm-hmm. Praise the Lord. Look at verse 3. And Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mm-hmm. To see and to enter are two different things. Donc ici, il dit Jean 3, verset 3, il dit qu'en vérité, je vous le dis, nul, s'il n'est pas né de nouveau, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, il y a une différence entre voir le royaume de Dieu et de entrer dans le royaume de Dieu. You know, people that go the, you know, the front of this house, for example, and they have not entered. They, if you ask them, do you know, they say, I know it, but they have not, and they have seen. They have seen it, but they have not been inside. There's a difference between to see and to be inside. Mm. Donc, si tu es né de nouveau, tu es capable à voir le royaume des cieux. C'est comme si par quelqu'un qui passe notre chantier ici, il est capable de voir notre maison, mais il ne sait pas qu'est-ce qui est à l'intérieur. In verse 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except you be born of water and of the Spirit, you cannot enter. First of all, he says, see, but now enter. Enter. Mm. You cannot enter into the kingdom Amen. Of God. Amen. Et si verset 5, il dit en vérité, quand Nicodème lui dit, mais comment ça fonctionne? Et il dit que en vérité, je te dis, nul s'il n'est renaître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume des dieux. Donc tu vois, verset 3, il dit, tu dois voir le royaume des cieux. Et maintenant, verset 5, il t'explique comment entrer dans le royaume des dieux. Please remember who Jesus was speaking with here. Amen. His name is Nicodemus. The Bible called him a ruler of the Jews. He was a religious man. He was their head, their chef, their boss. Amen. Amen. And upon the knowledge of religion that this man had, this man did not even know what born again is. Donc rappelez-vous à qui Jésus-Christ s'adressait ici. Il s'adressait à Nicodème. C'était quelqu'un religieux, un des chefs religieux, mais il ne savait pas qu'est-ce que ça signifie être né de nouveau. Praise the Lord. In verse 6, said then, that Jesus now said, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Et Jésus-Christ dit à verset 6, car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Your body is different from your spirit. Donc ton corps est différent de ton esprit. The real you is your spirit. Le vrai toi, c'est ton esprit. It's the part of you that never dies. Amen. C'est la partie de toi qui ne meurt jamais. Once you die, it's your body that dies. Parce que quand tu meurs, c'est ton corps qui meurt. Amen. Your spirit remains forever. Et ton esprit, forever. Amen. Ton esprit vit pour l'éternité. Verse 7 says, Marvel not that I said unto thee, you must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Then in verse 9, Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? A religious man cannot understand anything. Amen. Look at verse 10. Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. Verse 12. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? The message here is heavenly message. Amen. And that's why if you really listen and believe and act, believe Christ, You will be free. Amen. And free forever. Amen. Ici, on voit vraiment que Nicodème était vraiment confus. Il s'est demandé comment ça se passe, toutes ces choses-là, d'être né de nouveau. Et Jésus-Christ lui dit ici de vraiment que c'est important de croire et de te soumettre à ça. Tu crois et tu obéis à sa parole. Et c'est là que tu vas te libérer. Ça va te, le Saint-Esprit sera au contrôle pour t'expliquer ce qui est la Bible, en fait. Praise the Lord. You know, the Father came and introduced the Son. Amen. Le Père est venu, il a introduit le Fils. And the Son came and introduced the Holy Spirit. Et le Fils est venu, il a introduit le Saint-Esprit. Which is the time that we are now. C'est la période qu'on est maintenant. The period of the Holy Spirit. La période du Saint-Esprit. It's a wonderful period. C'est une période merveilleuse. Where you just enjoy Christ. Amen. Là où tu es toujours seulement en train de relaxer et de... Oui, you know, Jésus-Christ. You know, David admired this period. Go to Romans 4 and see what David said concerning this period. David, lui, il était en train d'admirer ce période ici. On va le lire à Romains 4. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. I don't even know where to start from. Praise the Lord. Amen. Amen. If we read from verse 1, let's read from verse 1. It says, what shall we say then? That Abraham, our father, has pertaining to the flesh. To the flesh and not to the spirit. Abraham is not our father. It's Christ that is our father. Amen. Amen. Amen. The Jews, you know, if you look at the three known religious group today, amen, the Christians, the Muslim, and then Judaism, these three, they all claim Abraham as their father. Jesus is greater than Abraham. Amen. He said, because before Abraham, I am. Amen, amen. Are you getting it? Ici, on voit quel avantage tirons-nous donc qu'un Abraham, notre père, est obtenu selon la chair. Donc, Abraham est notre père selon la chair. Si tu vois les trois grands groupes religieux, donc les musulmans, les juifs ou les chrétiens, tu vas voir que eux trois sont en train de dire que oui, Abraham est notre père. Mais il y a quelqu'un qui est encore plus important, c'est Jésus-Christ qui nous a été donné. Verse 2, it says, for if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not before God. For what said the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. You can see what right the meaning. Yeah. Verse 3 is just telling you the definition of righteousness. En fait, Jésus-Christ, il a dit qu'il est plus. Il nous a dit aussi lui-même que avant Abraham, moi je suis. Donc, pour faire aussi souligner qu'il est encore plus importante, pourtant plus grand que Abraham. Et verset 3 nous fait comprendre qu'est-ce qui signifie la justice. Amen. He said the definition of righteousness is believing Christ. Il a dit que la définition de la justice, c'est croire en Jésus-Christ. And not feeding the poor. Et pas nourrir les pauvres. And not giving money to the poor. Ou bien donner de l'argent. And not going to orphanage home and giving them money or food. Ou bien avoir de compassion avec les orphelins. Amen. Ça te rend pas juste. It's not based on what you do. Parce que la justice n'est pas basée sur ce que tu fais. It's based on what Christ did for us. Amen. Mais la justice, c'est basé à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Our righteousness is our inheritance. Notre justice, c'est notre héritage. Just like you inherited sin. Amen. Tout comme toi-même, tu avais aussi hérité le péché. You inherited sin. On avait hérité le péché. Amen. So also, we inherited righteousness and holiness. Amen. We don't learn to be holy. We are holy. Amen. Et c'est pour cela, c'est aussi la même manière qu'on a hérité la justice et la divinité, en fait. C'est pour cela, nous, la sainteté, c'est pour cela, nous, on mène pas une vie divine ou bien on essaie d'être saint. Nous sommes déjà saints. You don't want to get any inheritance. Nous, on ne se bat pas à avoir, à obtenir un héritage. I hope you know what inheritance means. Inheritance is what your father left behind before he died and gave it to you. Amen. That is what Jesus did for us. It's our inheritance. Amen. Amen. The finished work of Christ. Amen. J'espère que vous connaissez qu'est-ce que ça signifie l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose que ton père a déjà, il a travaillé pour ça, et quand il est mort, il te l'a laissé pour savourer. Et c'est que Jésus-Christ, effectivement, il a fait ça. Il est mort pour nous, et il a donné sa vie pour nous, et tout, pour qu'on puisse, aujourd'hui, on puisse se réjouir. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In verse 4, please. Verset 4. De Romains 4. He said, now to him that walketh is the reward, not reckoned of grace, but of debt. But to him that walketh not, but believe on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also described the blessedness of the man, unto whom God imputed righteousness without work. It's not about you. It's about the finished work of Christ. Ici, on voit vraiment qu'il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Mandali, can you help us to read verse 7? Verset 7. Please, once we are in a place, always go there, please. It's very important. Say, amen. Blessed are they, those iniquities are forgiven, and those sins are covered. Praise the Lord. Amen. In verse 7, it says, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. It's talking about now. Donc ici, David lui-même, il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Il parle de nous aujourd'hui. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, he was without sin. Jesus came here and he was without sin. That was the problem. Jésus-Christ était venu ici, il n'avait pas de péché, c'était ça le problème en fait. You know, Jesus came here. When he came here, he was having just one problem. Jésus-Christ, quand il était ici, il n'avait qu'un seul problème. That problem was he cannot die. Et ce problème était qu'il n'est pas capable à mourir. Because he was not a sinner. Parce qu'il n'était pas un pécheur. Death only kills sinners. Parce que la mort tue seulement les pécheurs. And that's why Jesus never called us sinners. Et c'est pour cela que Jésus-Christ nous a jamais titulés comme des pécheurs. Because if you call yourself and see yourself as a sinner, you give power to death to kill you. Parce que si toi-même tu t'appelles toi-même un pécheur, là tu donnes la mort, la puissance à te tuer. You know, Jesus Christ, when he was dealing with his disciples under his ministry, you know, he will speak and say, the sinners do that, not you. No, he always separate the sinners. He never called them sinners because sinners, a sinner, if you give power to death to kill you. En fait, Jésus-Christ, c'est lui, par exemple, on va voir que quand il parlait avec ses disciples, il disait toujours, les pécheurs font ceci, mais vous êtes différents. Donc, il n'a jamais parlé, appelé sa propre famille, les disciples, il ne les a jamais appelés comme des pécheurs. Parce qu'il savait que les pécheurs, quand tu es pécheur, c'est là que tu donnes la mort, la puissance de te tuer. Remember, God created death without power. Rappelle-toi, Jésus-Christ, Dieu a créé la mort sans puissance. Amen. For years I thought it was Satan that created death. Moi, il y avait beaucoup des années que je pensais que c'était le diable qui a créé la mort. Amen. Amen. It's God that created death. Mais c'est Dieu qui a créé la mort. Praise the Lord. Alléluia. Death is powerless without sin. La mort n'a pas de puissance sans le péché. Amen. It can only work through sin. Donc la mort travaille seulement à travers les péchés. And you have to know what sin is. Et tu dois connaître qu'est-ce qui signifie sin le péché. Sin is singular, not plural. Le péché c'est quelque chose singulier, il y a qu'un seul péché, c'est I pas quelque chose can de pluriel. Go there to them. John 16. Jean 16. Amen. Sin is singular. Sin is not your stealing, your lying, your fornicating. It's not. It doesn't have anything to do with that. In Old Testament, yes, but now it's not believing Christ. If you believe Christ, the light is on, darkness is out. Amen. En fait, on doit comprendre que le péché, c'est pas que tu fais de la fornication, tu mens, tu voles, tu fais du mal, à doctrine, des histoires adultères, des histoires comme ça. C'est pas ça qui te fait un pécheur. Le seul péché, c'est de ne pas connaître l'Éternel. Parce que quand tu connais l'Éternel, la lumière s'allume et toutes ces histoires-là, tu ne veux pas le faire automatiquement. You know, sin have never been plural. Right from Genesis, you can see it has been singular. Donc, dès Genèse, il y a toujours eu seulement un seul péché. Adam sinned. Adam did not fornicate. Adam did not lie, did not sin. He sinned. He did not believe God. Amen. He believed Satan more than he believed God. Amen. And he obeyed Satan. Yeah. And did not yeah. obey God. Mm-hmm. Et puis on va voir, par exemple, Adam, il n'a jamais volé. Il n'a jamais fait de la fornication. Il n'a jamais fait quelque chose de mal, selon ce monde. Mais on lui appelle, on dit que Adam est un grand pécheur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en Dieu. Et c'est pour cela qu'il a causé la chute de l'homme. Donc tu vas voir que dès le commencement, le seul péché, c'est quand tu ne crois pas en Jésus-Christ, en Dieu. And sin is still singular today. God, put something here. Put another finger here, please. Go to John 16, so that I just quickly let you know, because some are looking at me like this. I can see people's eyes. See? Amen. Can see the family's eye. Look at John 16. John says, you know, here Jesus was about to go and he was introducing the Holy Spirit. Amen. Ici, Jésus-Christ voulait partir, il est temps qu'il introduise le Saint-Esprit. From verse 7, please. Verset 7. He said, nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. The Holy Spirit is for everybody and not only for the pastors. Amen. Donc, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est bon que je m'envoie, je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas en vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. In verse 8, it says, and when he is come, when the Holy Spirit is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they believe not on me. Amen. It is, you know, the Holy Ghost will help you to know what sin is. Okay, amen. The sin is that you do not believe me. Amen. If you believe me, you know, all this lying, stealing, they are darkness. The light is on and it took away darkness. Those fruits. The root is the problem. Amen. And not the fruit. Amen. People preach the fruit everywhere today, and that's why people are not saved. Amen. It is this root yeah. that is salvation. Yeah. En fait, il dit, et quand il sera venu le Saint-Esprit, il convaincra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Au sujet du péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. On va voir que le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Et ça, c'est la racine. Toutes ces histoires comme, oui, mentir, fornication et voler, tout ça, ce sont juste des fruits de la racine de ne pas connaître Jésus-Christ. Parce que dès que tu connais Jésus-Christ et tu crois en lui, là, la lumière est allumée et tu n'as pas besoin de... Tu ne vas pas faire naître tous ces fruits-là. Praise the Lord. Amen. Again of sin. You know, it is only through the power of the Holy Spirit you can know what sin is. Amen. He said the Holy Ghost will help you to know, to understand that sin is singular. If you believe Christ, if you allow Christ to come into your life, if you remember the finished work of Christ, you will hate. It's automatic. Mm-hmm. You will hate sin. Mm-hmm. What man calls sin? Mm-hmm. What man calls sin is not what Christ calls sin. Amen. You know, the Lord is not going to ask you about your stealing, your lying on that day. Mm-hmm. He's going to ask you, do you believe me? Amen. Donc, tu vas voir qu'il dit ici au sujet du péché, c'est le Saint-Esprit qui est la personne qui va te croire, te faire comprendre qu'est-ce qui est le péché, qu'il y a la différence entre le péché de ce monde et le péché de Jésus-Christ, parce que le monde prêche seulement le fruit, mais pas la racine. Mais Jésus-Christ, il travaille les histoires de la racine, parce que quand la lumière est allumée, quand tu as compris la racine est propre, tu vas détester de faire produire des fruits. Du péché, en fait. Look at verse 12, because of time. He said, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. You know, people will say, this pastor is saying this, the other pastor is saying this, the other pastor is saying this. Which of them are we going to believe? Amen. Look at what Jesus is saying here. He said, when the Spirit, the Holy Ghost, is to reveal all the truth. You know, you can listen to 100 pastors, 5 pastors. Through the power of the Holy Spirit, you will know the truth. You Amen. Know who is teaching the truth. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que ben, y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes qui disent ceci, cela. Maintenant, on va croire à qui? Mais il dit ici à verset 13, quand le consolateur de l'esprit de vérité, quand l'esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Donc ça signifie qu'à travers le Saint-Esprit, tu seras même capable à écouter 5000 pasteurs et savoir qui est en train de dire la vérité, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité, il te le révèle. Amen. And you have to know how to, you know the truth through the power of the Holy Spirit. Et tu dois comprendre comment savoir reconnaître la vérité à travers la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. But for you, you know, and it's all the God's children, you have to hear the voice of Christ. Two cannot be one except two cannot work together except they are one. He'll hear your voice, but you cannot hear his voice. And that is the problem in the church today. We are to hear the voice of the Holy Spirit. He speaks, but because of we are so full of ourselves, we are full of money. We are full of ourselves, what we do for people, what we do for ourselves, and what we do for God. You know, the absence of all this, you will hear the voice of the Holy Spirit. Donc, on va comprendre que lui, il veut vraiment être, il veut que deux personnes ne peuvent pas marcher. Si, sauf ils sont un, en fait. Et lui, il écoute ta voix, mais toi, tu n'es pas capable d'écouter la voix de l'Éternel parce que tu es vraiment distrait à travers de toi-même, de ta propre volonté, ou bien de ce que toi, tu fais pour lui, et tu ne sais pour cela, tu n'es pas capable à comprendre ou bien écouter sa voix. Praise the Lord. Amen. You know, I was once like you. Moi, j'étais une fois comme vous. Amen. Amen. Full of myself. Plein de soi. Full of what I do, plein de ce que je fais. What God is going to do for me, ce que Jésus-Christ va faire pour moi. Amen. He has done everything. Mais il a déjà tout fait. There's nothing greater than the death of Christ Amen. For you. Parce qu'il y a rien plus grand que la mort de Jésus-Christ pour toi. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, His death for you is greater than having any money. Amen. Sa mort pour toi, c'est plus grand qu'avoir beaucoup d'argent, en fait. Amen. I was once full of myself. Avant, j'étais vraiment plein de moi-même. Thank Jesus, He delivered me. Mais je remercie l'Éternel qu'il m'a délivré. And I see Him in everything. Et maintenant, je le vois en tout. I connect Him to everything. Je le connecte en tout. We came to Nigeria. On est venu ici à Nigeria. He said we should come here. Il a dit qu'on doit venir ici. Amen. Amen. To work for Him. Pour travailler pour lui. Lies are everywhere. Il y a des mensonges partout. Allow Him to free you. Donc tu dois vraiment vouloir qu'il puisse te libérer. No matter the position you have in the church. Peu importe quelle position tu as dans l'église. To not help you to make heaven. Ça va pas t'aider à rentrer dans le royaume des cieux. What shall it profit a man if he gain the whole world Amen. And lose his soul? Ça ne sert à rien si tu as accès à toute chose dans ce monde et tu perds ton âme. Choose Christ, please. Tu dois choisir le Christ. Choose Christ. And for your family. Amen. Choisis Jésus-Christ aussi pour ta famille. He's looking for who to go through. Il est en train de chercher qui, à travers qui travailler. The Lord is not looking for quantity, but for quality. L'Éternel ne cherche pas la quantité, mais la qualité. He's looking for a vessel to go through. Il cherche un vaisseau à travers qui travailler. Just like Satan is looking for a vessel to go through. Tout comme le diable est en train de chercher un vaisseau à travers qui travailler. Remember, he went through serpent to Eve. Rappelle-toi, il a même utilisé un serpent pour partir vers. And he's going through pastors today. Et maintenant, il est en train de partir même à travers les pasteurs pour confondre les gens. Praise the Lord. Amen. Amen. Again, in verse 13, he said, "Howbeit, when he, the Spirit of Truth, is come, he will guide you into all, not some few truths. If you do not know the truth." It means the power of the Holy Spirit is not working in your life. If you are confused about this one is teaching, the other one is teaching, the other one is teaching, it means you are not even having relationship with the Holy Spirit. If you have relationship with the Holy Spirit will help you to know the truth. Because this is what Jesus said. You see that Jesus is the truth. Or he's a liar, a very big liar. Donc, tu vas voir que c'est l'Éternel, il nous a dit qu'il nous a donné des consolateurs. Et si tu es toujours confus, tu ne sais pas quoi faire, là, tu dois comprendre, tu dois voir que tu n'as même pas la puissance du Saint-Esprit qui travaille à travers toi. Parce qu'il y a que seulement deux puissances ici sur terre. Et ou c'est le Saint-Esprit qui va te conduire à travers le royaume des cieux, ou bien c'est le diable qui va travailler à travers toi. Amen. Il said the Holy Spirit will not speak of himself. Amen. Il dit que le Saint-Esprit ne va pas parler de lui-même. He said, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Ooh. Donc il dit que Amen. Il a dit que le Saint-Esprit va annoncera les choses à venir. Celui-même, celui-ci me glorifiera parce qu'il servira de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc ça signifie que le Saint-Esprit travaille sous en accord avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And Romans 4, please. Romans 4, verse 8 now. Verse 8. It says, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Amen. Romains 4, verset 8, il dit que heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Ah, praise the Lord. Amen. There are a lot of teaching here, but we have to leave there. Praise the Lord. Amen. All the prophets, they all spoke and wrote of the Son. Donc tous les prophètes, ils ont parlé, ils ont parlé, écrit aussi, selon l'Éternel. Amen. Ils ont parlé du Christ. Amen. Du Fils, en fait. They were preparing, you know, Jesus is the Word of God. Donc il nous a préparé. Jésus-Christ est la Parole de Dieu. Christ is the truth. Jésus, le Christ est la vérité. There's a difference between Jesus and Christ. Il y a une différence entre Jésus et le Christ. Jesus is the Word of God. Jésus est la parole de Dieu. Christ is the truth. Et le Christ est la vérité. We are born by the Word of God. Nous sommes nés de la parole de Dieu. It is the Word that gave birth to us. C'est la parole. That's why we are born called God's children. Et c'est pour cela qu'on a été appelés les fils de Dieu. And if you look at Jesus Christ, he himself is the Word of. You know, Angel Gabriel came with the Word. Donc, on va voir, Ange Gabriel nous a emmené la parole. When he came to Mary, Amen. He just spoke the Word. Il a juste parlé la parole. And Mary said, you know, Mary received it. Et Marie a reçu la parole. And that's how Mary became pregnant. Et c'est comme ça qu'elle a été enceinte. Through the power of the Holy Spirit. À travers la puissance du Saint-Esprit. Are you getting it? Amen. Amen. All the scripture, they we have not, you know, they all spoke. Let's go to John 5. On va lire Jean 5. John 5. Praise the Lord. Amen. John. John 5, 39. Jean 5, 39. Jesus is the one speaking here. He says, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. Do you get something there? If you also go to Luke 24, verse 44. Donc, Luke, Jean 5, 39, et maintenant Luc 24, 44. Praise the Lord. And verse 44 of Luke. Of Luke 24, he said, and he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was here with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophet And in the Psalms concerning me. Somebody getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The period of the sun. Jesus the Son came and spoke. And he introduced the Holy Spirit. Dans le période du Fils, Jésus-Christ comme Fils était venu, il a parlé, il a présenté le Saint-Esprit. He came to introduce the Holy Spirit to us. Il est venu introduire le Saint-Esprit. If you go to John 14, verse 15 to 7 to 19, is there? Donc, John 15. À Jean 15. John 16, they are there. Amen. Jean 14 à 16. Amen. Amen. This period we are now is the period of the Holy Ghost. Mais le période qu'on est maintenant, c'est le période du Saint-Esprit. One thing with the Holy Ghost is all about Jesus Christ. Donc le truc avec le Saint-Esprit est qu'il s'agit toujours de Jésus-Christ. To hear the voice of the Holy Ghost is very simple. Pour écouter, entendre la voix du Saint-Esprit, c'est vraiment simple. You must take your heart away from yourself. Tu dois enlever ton cœur de toi-même. And let it be Christ alone. Et tu dois remplacer ton toi-même, ton soi, avec le Christ. Once he's speaking, you will hear his voice. Et quand il va parler, là tu vas être capable à comprendre sa voix. Amen. Amen. Again, John 16, verse 14 and 15. John 16, go back there, please. John 16. Praise the Lord. Amen. John 16, please. Verse 14. And 15. John 16, verses 14 and 15. He said, the Holy Ghost shall glorify me. Amen. For he shall receive of mine and shall show it unto you. It's all about me. Amen. And all things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine and shall show it unto you. You know, to hear the voice of the Holy Spirit, God wants to. He wants you to hear His voice. Donc, on va voir que Dieu veut qu'on puisse écouter sa voix, entendre sa voix. Without the power of the Holy Spirit, it means without you taking your eyes away from yourself, you cannot hear the voice of the Holy Spirit. Donc, sans la puissance du Saint-Esprit, qui signifie aussi au même moment sans. Donc, de cesser à se concentrer sur soi-même, mais se concentrer maintenant à Jésus-Christ. Si tu n'es pas capable de le faire, là, tu ne seras pas capable d'écouter la voix du Saint-Esprit. The period of the Father and of the Son, they are similar. Amen. Again, the period of the Son was only 33 and a half years. The period of the Father and the Son, they were similar. The difference is the period of the Holy Spirit. Donc, on va voir vraiment que la période du Fils et du Père, c'était un peu similaire. Mais la période du Saint-Esprit est vraiment totalement différente. You know, the period of the Father and the Son, no one could call God Father. Dans la période du Père et du Fils, il n'y a personne qui était capable à appeler Jésus, Dieu, mon Père. Let me put it this way. The period of the Father, we were all servants. Amen. Amen. Then the period of the Son, Jesus said, you know, when he was teaching them how to pray, he said, pray our Father. Mm-hmm. You can see, he now said, pray our Father. Mm-hmm. Amen. The period of the Father, we were all slaves. We were all servant to him. It was a servant and a master relationship. But this very period we are now, it's a son. We are sons of God once you come to Christ. Amen. It's a son and a father relationship, which is love relationship. It should never be based on that fear. Amen. You are not blessing the house of Christ to have anything. Mm-hmm. You are blessing the house of Christ because you are a son of Christ. Amen. Amen. You know, you don't need... Yeah. Just like forgiveness. You don't forgive so that God will forgive you. That is the past. That is the period of the Son. But now you say forgive because you have already been forgiven. Amen, amen. We are pleased. This period that is being mixed together is giving God's children problems. Donc on doit comprendre que les périodes sont vraiment importantes de comprendre la différence. Parce que dans la période du Père, nous on était toujours des servants. Et quand Jésus-Christ est venu, il a commencé dans ces 33 ans-là, il a commencé à nous préparer comment prier au futur. Et maintenant qu'il est né, il est mort pour nous, maintenant nous sommes des fils. Donc avant, on avait une relation servant et maître, maître et servant. Maintenant, on a une relation amoureuse étant père et fils. Et maintenant, ça, c'est vraiment important. Et c'est comme ça aussi que nous, par exemple, on ne donne pas à l'église parce qu'on on doit être Dieu. Comme ça, Dieu va nous bénir. Non, parce qu'il nous a déjà bénis. Et c'est comme ça aussi qu'on doit toujours comprendre que ces trois périodes sont vraiment différentes. Praise the Lord. Go to Luke 11, please. Go to Luke 11. Luke 11. Luke 11. Amen. Amen. From verse 1. Luke 11, verse 1. Look at it. He said, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he sees, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. You learn how to pray. Donc ici, on voit qu'on apprend comment prier à Jean 11, verset 1. You learn to love, love of Christ. On apprend à aimer à travers l'amour du Christ. The love of this world is not the same as the love of Christ. Parce que l'amour de ce monde, c'est pas la même amour que l'amour de Christ. The love of this world, if people say I love you, it's based on condition. Parce que dans le monde de ce monde, quand quelqu'un dit que je t'aime, c'est toujours basé à des conditions. The love of Christ, there is no condition. L'amour de Jésus-Christ n'a pas de condition. C'est inconditionnel. Praise the Lord. Amen. Amen. And he said unto them, when you pray, say, our Father which art in heaven. Are you getting it? Il a dit que quand vous priez, disiez notre Père qui est aux cieux. The first time you can call the only true God your Father. Amen. Our Father. Donc c'était la première fois que là où on a été autorisé à appeler Dieu notre Père. Then in verse 4. Verset 4. Look at it. It says, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And let me just stop there. That, you know, this prayer is the old prayer. Look at the new prayer. Donc il a dit ici que et remettez-nous nos offenses, car nous remettons aussi nous-mêmes à tous ceux qui nous ont aussi offensés. Mais ça, c'est une prière qui est ancienne. Maintenant, regardez la nouvelle prière. Go to Colossians 3, verse 13. That's the new prayer. Concerning forgiveness. Donc, la nouvelle prière concernant le pardon, c'est à Colossiens 3. Praise the Lord. Amen. Amen. Colossians 3, verse 13. Colossians 3, verse 13. All of us should read together. All of us. All of us. On va tous lire ensemble. All of us. Praise the Lord. All of us should read together. One, two, go. Are we there? Yes. One, two, go. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against anyone, as Christ forgave him, so also do ye. You forgive because you have already been forgiven. Donc tu pardonnes parce que lui t'a déjà pardonné. Amen. No one can bribe God. What is bribe? Bribe. Il y a personne qui peut. Amen. You cannot bribe God with your money. Donc tu peux pas donner de l'argent à l'Éternel pour qu'il puisse faire ce que tu veux. And that's why he's not going to give you because you give. Et c'est pour cela il va pas te donner pour que tu puisses aussi donner. Amen. Tu peux pas contrôler Dieu. You know, here in Nigeria, I noticed something. Everything is about prayer. Donc ici à Nigeria, j'ai compris que ici, il s'agit toujours de la prière. Amen. Everything is about prayer. Tout s'agit de la prière. Amen. Everything is about the truth. Donc tout Il s'agit de la religion. Amen. Prayer cannot give you peace. Donc la prière ne peut pas te donner la paix. Amen. Amen. Peace comes through the knowledge of Christ. La paix vient à travers la connaissance de Jésus-Christ. If you go to Isaiah 26, verse 3, it's there. Mm. Put something here. Go to Isaiah 26. On va lire Isaïe. I just want to point some few things, then we close. Amen. Isaiah 26. Isaïe 26. Verse 3. Verset 3. Amen. You see that? He said, "Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon thee, because he trusted in thee." Peace comes through knowledge, through trusting the Lord. It's not by prayer. Prayer cannot give you peace. Amen. Amen. Donc au cœur constant, vous assurez la paix. La paix parce qu'il se confie à vous. Donc ce n'est pas à travers la prière que tu vas avoir la paix. Tu vas avoir la paix quand tu es vraiment... oui, tu lui fais confiance. Tu Amen. Confies à lui. Praise the Lord. You know, fasting and prayer. Donc les jeûnes de prière. You know, they fast a lot here. Ici, en Afrique, ils sont toujours en train de faire des jeûnes de prière. And it's so wrong. Et c'est vraiment mauvais. Praise the Lord. Amen. It's not about the fleshly fasting. Parce qu'il ne s'agit jamais de de jeûne de prière dans la chair charnelle. Going without food can never help you. It can make you slim down. It can never help you. Parce que faire des jeûnes de prière, oui, ça va aider à ta taille, mais ça ne va pas t'aider. Amen. Amen. Jesus came to fast so that he came to fast for you. That fasting he fasted 40 days is for you. Donc les 40 jours que Jésus-Christ avait jeûné, il a fait ça pour toi, pour que tu ne puisses pas le faire aujourd'hui. There was a time we were having problem in Deutschland. Il y avait un temps où on avait des problèmes en Allemagne. And I was looking for solutions. Et je cherchais des solutions. And I asked the Lord, am I to fast? Et j'ai demandé à l'Éternel, mais est-ce que je dois faire des jeûnes de prière? Because I always ask him before I do things. Parce que moi, je lui demande toujours avant de faire quelque chose. These children also already know that. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for what? Et il m'a dit, mais pourquoi? I said, to solve the problem. Il m'a dit, et je lui ai dit, mais pour résoudre les problèmes. He now asked me, did I fast before I became born again? Et il m'a dit, mais est-ce que tu as jeûné avant d'être né de nouveau? I said no. Et j'ai dit non. He said, how did you become born again? Et il m'a demandé, mais comment tu as été né de nouveau? I said, I just believe. Et je lui ai répondu, mais j'ai seulement cru. Now said that is all. Et il m'a dit, ça suffit. He said, believe the finished work of Christ. Amen. Et il m'a dit, crois à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. The old fasting and the new fasting are two different fasting. Donc l'ancien jeûne et le nouveau jeûne, ce sont deux choses différentes. The old fasting was going without food. L'ancien jeûne, c'était partir sans nourriture. The new fasting is fasting your unbelief, doubt and fear. Mais la nouvelle jeûne, c'est quand tu es en train de combattre, de jeûner ton incroyance, tes doutes et aussi la peur. People go without food, but they are still full of fear. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir, sans nourriture, mais ils ont toujours peur. And because he said, what, you know, that fast before I became born again, I said no. Then he said, don't go there. Donc, Amen. Il m'a dit, mais est-ce que tu as fait des jeûnes avant d'être né de nouveau? J'ai dit non. Il m'a dit, alors ne le fais pas pour rien d'autre. He said, the only sacrifice that is, that finished the work, is Christ. Donc il a dit, le seul sacrifice qui a accompli toutes sortes d'œuvres, c'est Jésus-Christ. He does not need any sacrifice. Et il n'a pas besoin d'un autre any sacrifice. Other sacrifice. C'est seulement le sacrifice Christ is enough. Que tu as besoin. Amen. So we fast and fast and fast. They are, if you see them, you know you are fast. You know, so they will even not see God as so wicked, because upon all the food that they do eat, nothing is working. Amen. Depend on Christ. Amen. Donc les gens vont penser même que l'Éternel est quelqu'un de mauvais parce que tu pries, tu fais des jeûnes, mais la solution n'est pas toujours là. Donc, c'est comme si c'était un mauvais Dieu. Praise the Lord. Mais tu dois seulement croire, en fait. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, in Luke 11, please go there. We will soon round up. Amen. On va lire place to round up. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 11. In verse 2, it said, and he said unto them, when you pray, say, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. His kingdom is already here. Amen. This, you know, all these, they are not the word to pray. You don't recite it. It's not the word to pray. It's a way.